y a à peine 100 ans que la science a découvert l'art de préserver pour les générations futures cette chose si intangible et pourtant si vivante qu'est la voix humaine. À travers ces voix, on retrouve la sensibilité d'une époque révolue qui, comme toutes les tranches du passé, a contribué à faire des générations actuelles ce que sont aujourd'hui. Les extraits d'archives proviennent d'émissions de radio et de télévision, ainsi que de disques. Ce voyage expérimental, résolument tourné vers l'avenir, veut démontrer que très peu des enregistrements les plus anciens que font revivre ces archives sonores subsistent encore. Les extraits d'archives, à travers ces voix, comme toutes les tranches des archives, à peine 100 ans, ce voyage absolument et résolument à travers ce que l'on dit.